Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, d'accord, putain. Sorry. C'était un jack libre qui tapait contre le pied du micro et qui était branché sur la table.